sommes au chapitre 2. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre bon Père du ciel, nous te remercions que ta parole est notre lumière. Le psalmiste nous dit dans un des psaumes, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Seigneur, c'est ce que nous espérons, c'est ce que nous croyons. Que plus nous méditons sur qui tu es, plus on va comprendre mieux ta parole. Et on te demande, Seigneur Dieu, que ce que nous méditons dans Thessaloniciens puisse nous pousser à la persévérance, de nous pousser à la glorification de ton nom et la proclamation aussi de ton nom. Donc on te demande que ton esprit agisse dans chacun de nous afin qu'on puisse être des serviteurs, des servantes qui te glorifient. Amen. Donc on se souvient de notre petit contexte. Vous avez déjà regardé des séries télévisées. Chaque semaine, ils font quoi? Un résumé. Ils donnent un petit résumé pour qu'on puisse prendre l'émission en se rappelant ce qui s'est passé la semaine d'avant pour qu'on comprenne bien ce qui va se passer dans l'émission. Et s'il y a une série de 20, ben, ils vont le faire 20 fois. Ils récapitulent 20 fois. Et c'est un peu la même idée quand on étudie les Écritures, dans notre tête, de revisualiser, repenser. Là, je suis rendu au chapitre 2, donc qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 1? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Et là, on enchaîne l'histoire pour qu'on bien comprendre ce que l'auteur est en train de nous dire. Il donnera bien 100$ pour avoir assisté au débat dans la synagogue pendant les 3 semaines que Paul a débattu avec les Juifs. Je donnerai 100$ juste pour les voir se débattre, les idées, quelles idées, quelle objection les Juifs emmenaient, quelle réponse Paul donnait. Et ça a dû être assez intense comme débat, parce qu'à la fin de la 3e semaine, il faut que Paul fuit la ville, parce qu'on veut le tuer. Donc, on lui veut faire mourir Paul et Silas et Timothée. Donc, ça veut dire que ça a été un peu intense dans ce qui s'est fait. Donc, il faut se rappeler, parce qu'il va nous le rappeler aujourd'hui, comme d'autres fois dans l'Épître, qu'il dit, vous vous souvenez comment ça s'est passé au début. Vous vous souvenez qu'est-ce que j'ai fait avec vous autres. Vous vous souvenez comment l'Évangile vous a atteint au milieu des tribulations et des difficultés. Parce que pendant les 3 semaines, ils ont dû voir la tension monter dans le groupe et de voir que, il y avait de l'opposition, ça devenait de plus en plus difficile. Donc, ce qu'il va nous dire à un moment donné, vous vous êtes convertis au milieu des difficultés. C'était, vous avez accepté au milieu. C'est pas comme, vous avez accepté et ensuite, parfois c'est comme ça aussi, là, tu acceptes et après les tribulations, mais il dit, vous l'avez fait, vous, au milieu des tribulations, pendant les tribulations. Donc, ça les a amenés à cela. Donc, on se souvient aussi que l'apôtre Paul, il a rendu grâce pour 3 choses dans le premier chapitre, pour les Thessaloniciens. Il a rendu grâce à Dieu pour 3 choses. Souvenez-vous? Les mêmes que la semaine passée. Là, on va faire récapitulation. L'œuvre de votre foi. La foi active. C'est la même chose, l'œuvre de votre foi. Le travail de votre amour. Et la fermeté de l'espérance qu'ils avaient. Ça, c'est les 3 choses pour lesquelles Paul rendait grâce à Dieu qu'il voyait ça chez les Thessaloniciens. Et on sait, quand je vais dire, que ce soit là ou dans les autres semaines, quand je dis que Paul a vu, c'est qu'il a vu lui-même ou à travers les yeux de Timothée. Il a vu, pendant qu'il était là, lui, les 3-4 semaines, un mois, deux mois, on n'est pas sûr, mais c'est pas long. Mais en même temps, il va envoyer Timothée, et Timothée va, on va dire que c'était ses yeux, ses oreilles, il va aller voir, puis il va ramener de l'information à Paul. Donc, Paul, quand il va parler des fois comme s'il le sait, ou comme s'il l'aurait vu, mais c'est à partir de ce que Timothée a dit de la situation à Thessalonique. Donc, puis en même temps, il a vu qu'il avait parlé, il dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, là, il a donné trois choses. Nous savons que vous êtes des frères bien-aimés de Dieu. Il a fait trois déclarations. Une, l'évangile que vous avez reçu était l'évangile de Dieu. J'essaie de méditer avec le temps. Des fois, il l'appelle l'évangile de Dieu. D'autres fois, il va l'appeler l'évangile de Christ. Y a-t-il une différence? Méditez là-dessus, on va le voir dans les autres chapitres. Et ensuite, ça, il dit, vous avez reçu l'évangile. Et ce n'était pas des paroles seulement, mais c'était des paroles qui étaient accompagnées de puissance, Saint-Esprit et pleine persuasion. Donc, ce n'est pas juste des paroles. On va en parler un petit peu aujourd'hui. Il dit, vous ne l'avez pas reçu comme des paroles seulement, mais comme la parole de Dieu. Donc, vous n'avez pas reçu ça comme juste des paroles, mais vous avez ce que vous avez entendu, puis vous l'avez reçu dans votre cœur, dans votre intelligence, comme c'est Dieu qui dit ça. S'il dit c'est Dieu qui dit ça, ça a du poids. Hein? Moi et vous, là, quand Dieu a dit, c'est pas comme le premier ministre a dit. Ça a un peu moins de poids. Si on dit, si on baisse dans nos idées, bien là, si c'est un gars qu'on personne ne connaît, bien, il a dit ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Là, on va rajouter ça. Mais quand Dieu a dit, ça a une puissance en soi. Donc, quand vous et moi, on dit « Dieu a dit », c'est du poids, là. C'est du poids, là. C'est pas nous autres, là. Ça vous est probablement déjà arrivé quand vous parlez avec des gens. Vous dites « Non, c'est pas mon idée, là. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Jésus a dit. » Donc, ça met du poids, là. C'est la personne qui refuse ce que Dieu a dit, refuse ce que Jésus a dit, c'est pas la même chose du tout, là. C'est pas juste, c'est comme j'avais déjà parlé avec un témoin de Jéhovah, puis je disais, quand tu lis la Bible, je suis d'accord avec toi, c'est Dieu qui parle. Quand on interprète la Bible, toi et moi, là on peut avoir des différences, puis on peut dire, ton interprétation, je suis pas d'accord tout à fait. Je suis d'accord, je peux accepter ça. Mais quand je te lis un verset de la Bible, c'est ça qui est marqué. Il n'y a pas le choix, là. Je te cite le texte tel quel. Donc, l'apôtre Paul, lui, avait ce privilège en tant qu'apôtre de dire, j'ai reçu de Jésus directement l'information, puis je vous la donne telle que je l'ai reçue. Donc, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas d'interprétation, je vous donne ce que j'ai reçu. Tu sais, des fois, il va dire, j'ai reçu du Seigneur directement et je vous le donne. Et ça faisait un poids. C'est comme nous autres, on peut dire, on peut lire un texte, puis je vais dire... Le texte qui est lu là, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Oui? Mais notre plus grand défi, quand on va jaser avec des inconvertis par rapport à ça, évidemment, c'est qu'ils vont nous ramener, mais ça a été écrit par des anges. Oui. Mais la plupart du temps, chez les Juifs en général, pour Paul, et surtout dans les trois premières semaines, il est dans une synagogue et l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle. Donc, si lui utilise l'Ancien Testament, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et les Juifs ont tout de suite dit, c'est ça que Dieu a dit. Maintenant, on l'interprète comment, OK? Mais c'est ça que Dieu a dit. Dieu avait dit que le Messie devait souffrir et mourir. Donc, vous n'avez pas dit qu'il n'a pas dit, c'est marqué, là. On vous le lit, là, dans vos textes des Écritures directement. Et Pierre va faire la même chose dans Acte 2. Il est écrit qu'il devait ressusciter d'entre les morts. Donc, il cite un psaume. Donc, les Juifs ne peuvent pas dire que le psaume n'est pas vrai. Le psaume était là. Donc, c'est ça qui. Même dans Actes, là, on voit Étienne, avant qu'il soit lapidé, là, il repart, il fait toute l'histoire, puis c'est tout l'Ancien Testament presque. Puis il l'écoute avant d'être exaspéré à la fin, là. Il l'écoute, là. Parce qu'à la fin, il finit par dire. Non, il finit par dire, vous avez fait mourir tous ceux que Dieu a envoyés. C'est à cause de ce qu'il dit ça que ça. C'est pas l'histoire. L'histoire, ils sont d'accord avec, mais quand ils avaient fait mourir tous ces prophètes-là, comme vous avez fait mourir le Messie maintenant. Alors là, ils sortent les roches de leur poche, là. Mais ils veulent arrêter Étienne de parler. Donc, l'apôtre Paul va dire l'évangile que vous avez reçu était la vraie, et vous êtes devenus les imitateurs, mes imitateurs et les imitateurs de Jésus. Et ensuite, ça, il leur a dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ça, c'est les trois choses qu'il a données, parce que nous savons que vous êtes des frères bien-aimés de Dieu, parce que je vois ces trois choses-là dans votre vie. L'Évangile, vous imitez, vous mimez. Là, on a parlé ensemble, ils n'ont pas mimé sa façon de s'habiller, là. C'est mimer sa foi, sa vie chrétienne. Il va le ramener un peu plus loin, la vérité au chapitre 4. Donc, vous êtes devenus mes imitateurs et les imitateurs. Donc, si j'imite Paul et si j'imite Jésus, je peux déclarer que tu es un frère aimé de Dieu, tu es un enfant de Dieu, parce que tu imites Jésus lui-même. Donc, tu ne peux pas aller mieux que ça, là, dans ce sens-là. Donc, mais imiter, on a vu, ce n'était pas imiter n'importe quoi. Le contexte nous amène à une chose, imiter une chose. C'est imiter le Seigneur Jésus et Paul en recevant, c'est ça qui imite, ils ont reçu la bonne nouvelle ou l'Évangile au milieu de grandes tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Paul avait vécu la même chose, il avait reçu l'Évangile au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, lui, n'a pas reçu l'Évangile, il a donné l'Évangile au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Donc, les deux, il dit, ce que je vois chez vous, c'est que vous avez reçu l'Évangile au milieu de beaucoup de difficultés, mais avec la joie qui vient de Dieu. Donc, c'est pour lui, c'était une façon de voir qu'ils étaient des enfants de Dieu. Ce matin, ou cet après-midi, on va au chapitre 2. Et là, l'apôtre Paul va continuer. Et là, il change le début. Le chapitre 1, là, c'est action de grâce et sa déclaration à lui de ce qu'il voit de l'Église. Donc, il dit, je rends grâce à Dieu pour ça, puis je vous... Il fait une sorte de louange, ou de... Moi, je dirais bien ça, une sorte de... d'éloge de l'Église. Il dit que l'Église, il les voit comme des frères et sœurs. Je disais à quelqu'un, il dit, si Jésus viendrait, dans mes moments sombres, dans mes moments de doute, puis si Jésus serait là, puis il me mettrait la main sur la peau, tout n'en pas, François, t'es sauvé. Bon. Ça me rassurerait pas mal. Ça me rassurerait pas mal. Quand l'apôtre Paul te parle ainsi, puis il dit, je pense que tu es un enfant de Dieu, parce que je vois ce que je vois chez toi, c'est un peu rassurant pour l'Église, hein, qui se posait des questions, et que, surtout que l'Église était en questionnement. Donc, on est-tu dans la bonne voie, ou si on est en train de s'éloigner? On est-tu dans la bonne voie? Parce qu'on va voir que l'Église est en train de se positionner de travers par rapport au retour du Seigneur. Et Paul, il leur parle, puis il veut les encourager à persévérer. La persévérance va revenir souvent dans l'Épître. Persévérance dans la foi, dans l'Évangile. Au chapitre 2, l'apôtre Paul va ramener... Il va reparler, je pourrais dire. Nous, on le sait, là, parce qu'on est allé lire avant de commencer Acte 17. Okay, on est allé lire comment ça commençait, les débats, puis tout ça qui est arrivé, la fuite, là, devant les tribulations. Lui, là, il va le ramener à l'Église. Dans le chapitre 2, il repart de ce qui s'est passé avec eux au début. Donc, nous, on va relire. Nous, on a lu Acte 17. Maintenant, on va voir l'interprétation que Paul, lui, donne de Acte 17. Lui, il va parler de Acte 17. Lui, il l'a vécu, il était là, c'était son expérience personnelle, le débat, les chrétiens, les gens qui se sont convertis, juifs et non-juifs, et les quelques semaines qu'on passait là, et l'opposition féroce des Thessaloniciens, parce que quand vous lisez les Actes des apôtres, les Thessaloniciens qui étaient là, et les Juifs à Thessalonique, sont vraiment anti-chrétiens, sont vraiment anti-Église. À tel point qu'ils courent après Paul dans d'autres villes pour aller l'arrêter. Donc, ils sont vraiment acharnés contre l'Église. Donc, surtout que l'apôtre Paul, on va comprendre mieux. L'apôtre Paul semble avoir un attachement spécial pour l'Église de Thessalonique parce qu'il les a vus avec lui se débattre au milieu des tribulations et garder la foi. Ça les a donné comme une espèce d'attachement spécial à cette Église-là. Donc, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul donne lui-même une interprétation de Acte 17. Voici ce qui s'est passé quand je suis arrivé chez vous. Donc, c'est important. Moi, je peux lire Acte 17 et en tirer des conclusions, mais là, c'est Paul qui parle de Acte 17. Donc, c'est important qu'on écoute de ce qu'il est en train de nous dire. Donc, on va commencer par lire le verset 1 à 4. Mais il ne faut pas oublier, on a lu tribulation, il y en a parlé au chapitre 1, beaucoup de tribulations, beaucoup de difficultés, lieu de beaucoup de combats. Et là, il continue à aller dans cette direction. Il ne faut pas oublier que c'est ça le contexte. C'est quand on veut l'amener dans notre vie, des fois on a de la misère parce qu'on n'est peut-être pas dans le même contexte. Des fois, c'est difficile. Donc, on va lire de 1 à 4. On va commencer avec Gaétan. Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais, à cause d'avoir souffert et d'avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impeux, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont nos cœurs. Donc, l'apôtre Paul ici parle ce que moi j'ai appelé de ce qui s'est passé entre Philippe et Thessalonique. Il se promène, il s'en revient vers, il quitte Philippe après avoir fait de la prison, après avoir été battu, après avoir été fui. Ben, pas fui, Philippe, c'est, on l'oblige à partir, on le menace, tu dois, on va te laisser sortir, mais tu dois partir. Okay? Donc, ils l'ont chassé, les Romains. Et pas la seule façon qu'il a pu sortir de là, de la prison, c'est qu'il en a appelé à sa citoyenneté romaine. Donc, il sort. Et là, il fuit. Mais entre les deux villes, il se passe des jours, là, peut-être des semaines à pied, il s'en va. Donc, il est un être humain, Paul. Même si c'est un apôtre, il est un être humain. Il réfléchit, il pense. Qu'est-ce que vous allez penser? Qu'est-ce que vous allez réfléchir, vous autres, entre les deux villes? Et l'apôtre Paul, il dit, vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Donc, il y a eu du résultat quand on est arrivé chez vous. Je pense qu'il parle du début de l'Église, des conversions qui s'est passées. C'est ça que je pense. Donc, qu'il veut nous parler. Il dit, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, c'est ce qu'on voit dans Acte chapitre 16, après qu'il arrive à chapitre 17 à Thessalonique. Comme vous le savez, donc, ils le savent, soit que Paul leur a raconté quand il est arrivé à Thessalonique, soit qu'ils l'ont vu arriver un peu amoché, je ne sais pas, soit que Timothée leur a raconté, mais il s'est dit, vous savez, donc, on ne se pose pas de questions, vous savez vous-même. Donc, après avoir reçu des outrages, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Là, comment vous comprenez cela? Donc, Paul quitte, après avoir vécu de la difficulté, humainement parlant, physiquement parlant, il dit, si je peux l'appeler comme ça, il a senti le besoin, il a vécu le besoin d'aller se ressourcer en Dieu pour pouvoir continuer. Des fois, on regarde Paul et on pense que c'était facile pour Paul. Que Paul, lui, n'avait pas de problème, Paul n'avait pas d'hésitation, Paul était un fanfaron, puis Paul était audacieux, puis Paul. Pas tout à fait ça que je vois quand je lis. C'est un gars qui dit, il faut que je m'arrête, puis que je prenne de l'assurance, ou je demande aux chrétiens, priez pour moi afin que j'aie de l'assurance. Ça veut dire qu'il y a des moments d'hésitation, ça veut dire qu'il y a besoin, en tant que personne humaine, Parce qu'il n'y a personne qui sort de prison et qui s'en va dans une autre ville, sachant qu'il va quoi aller en prison, qui trouve ça drôle. Comment je peux faire opposition à la tribulation? Comment je peux faire pour pouvoir continuer au milieu de la tribulation? Comment je peux faire pour continuer de ville en ville, ou de prison en prison, ou de débat en débat, de difficulté en difficulté? Comment je fais pour pouvoir continuer? Parce que l'être humain, dans sa chair, votre chair, ma chair, on veut juste retourner chez nous, là. On veut juste retourner chez nous et dire quel job vous apporte? Vous ne voulez rien savoir de l'Évangile, mais quel job vous apporte? Ça pourrait être notre tendance humaine. Le fait que Paul, avant de croire, il était très, très dur envers l'Église. Puis là, c'est Jésus lui-même qui s'est présenté. Puis c'est ça qui nous fortifie, dans le fond, à continuer. Mais ce qui nous parle ici, c'est que je crois que. Comment je pourrais bien dire ça? Il n'y a pas de moment unique dans la vie chrétienne. C'est des moments répétitifs. J'ai besoin d'assurance hier, j'ai besoin d'assurance aujourd'hui, puis j'ai besoin d'assurance demain. Mais son assurance ne vient pas du fait que c'est Jésus lui-même qui l'a enseigné? Non, je ne pense pas. Parce que là, ça sera unique, on ne pourra pas faire la même chose. Okay, je ne pourrai pas faire la même chose. Je ne pourrai pas aller chercher de l'assurance en Dieu. Là, il parle de quelque chose de présent. Nous avons pris de l'assurance en Dieu. Donc, il est allé chercher auprès de Dieu de l'assurance pour continuer. Je crois qu'il le faisait chaque jour, chaque semaine, chaque fois qu'il allait d'une ville à l'autre, d'une partie à l'autre. Il avait besoin d'aller se fortifier. On pourrait dire se fortifier. Veux-tu qu'on a d'autres choses que de prendre le mot... Il y a des bibles qui traduisent « Dieu nous a fortifiés pour qu'on puisse continuer. » OK? Nous avons eu toute hardiesse en notre Dieu. Donc, l'hardiesse venait de Dieu, notre Dieu. Il y a des bibles qui traduisent « Dieu nous a fortifiés pour qu'on puisse continuer. » Puis ici, Paul, il dit « Nous, on s'est fortifiés en Dieu. » Donc, on voit les deux côtés de la médaille. C'est comme... Ouais. Un, lui, il va chercher, puis il dit, bon, je vais chercher auprès de Dieu, donc Dieu va me fortifier. Moi, la question que je me pose, c'est comment, si moi je vis cela, si moi je passe d'une difficulté à l'autre, puis dans ma vie chrétienne, j'ai besoin d'être fortifié. Est-ce que je fais quoi? Moi, ce que je vois, c'est que je vois un chrétien comme moi, qui vit sa vie chrétienne, et qui voit bien que c'était difficile, puis voit bien que ça va être encore difficile. Mais entre les deux, il dit, je vais aller me rassurer, je vais aller me ressourcer, je vais aller me fortifier. Il y a un des verbes, j'avais fait déjà une étude dans le passé pour moi-même, le mot fortifier dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, comment les chrétiens se fortifiaient, comment les églises se fortifiaient pour pouvoir continuer au milieu des difficultés. C'est intéressant, si vous avez du temps à passer, vous pouvez le faire à travers les Actes des Apôtres. L'Église se fortifiait et elle se multipliait de jour en jour. L'Église se fortifiait et Paul fortifiait l'Église et l'Église se fortifiait. C'est comme si, c'est pas quelque chose que je deviens pas chrétien fort, puis je reste fort toute ma vie chrétienne. Il faut que je me fortifie d'une façon continuelle en Dieu. Il faut que j'aille chercher en Dieu la force que j'ai besoin pour pouvoir continuer. Et si je ne le fais pas, je vais planter. C'est comme faut forcer pour devenir fort. Ben oui, il faut manger pour pouvoir avoir de la force pour travailler. Tu sais, si j'arrive le midi et je ne mange pas, je vais être tout étourdi dans l'après-midi si je continue à travailler fort. J'ai besoin de me nourrir, je pourrais dire, pour pouvoir faire ma journée. Si je ne fais pas, ben... Mais là, tu sais, admettons, tu sais que Dieu, le Seigneur, lui, a été maltraité, puis nul n'est plus grand que le maître. Donc là, il savait qu'il passerait par les mêmes difficultés. En le sachant, tu ne peux pas aller espérer que ça va s'enlever, les épreuves. Lui, il ne va pas se fortifier en pensant que ça va s'enlever. Lui, c'est par une identification à Dieu, puis par des connaissances qu'il y a de Dieu, là, j'imagine. Là. C'est ça que je t'ai voulu poser, la question. Okay, donc, c'est ça qu'elle t'a déjà posé. Non, la question, c'était comment il faisait ça? Comment aller chercher en Dieu? Parce que nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Donc, il est allé auprès de Dieu pour aller chercher de l'assurance ou aller chercher de la force. la capacité de continuer. C'est pour ça qu'il, c'est ça qu'il mentionne au milieu. Parce qu'il dit, j'ai téléchargé de l'assurance pour vous annoncer l'Évangile. Donc, le but de faire l'exercice, c'est pour annoncer l'Évangile. Parce que s'il avait annoncé l'Évangile, quand s'il avait toujours été annoncé l'Évangile, avec comme des lédits, qui avaient des cas préparés, que ça allait bien, puis il n'y avait pas de problème, pas de difficulté, tu sens moins le besoin d'aller te fortifier. Mais quand tu sens le besoin, c'est parce que tu l'as vécu, le besoin. Et je vous l'ai dit les autres semaines, l'apôtre Paul, dans son expérience à lui, l'apôtre Paul, ça fait peut-être 10, 12 ans, 15 ans qu'il est sauvé. Il n'a pas connu, lui, de vie chrétienne sans persécution. Pour lui, ça n'a pas existé. Tout ce qu'on lit de lui, c'était toujours des persécutions, toujours des difficultés. Puis quand vous allez lire le témoignage qu'il donne de lui-même dans 2 Corinthiens, qui parle de sa vie en tant qu'apôtre, en tant que chrétien, il n'y a personne qui veut avoir cette vie-là. De lapidation, de fouet, de battu par de verges, de souffrir de nudité, de souffrir de faim, de souffrir. Il n'y a personne qui va avoir cette vie-là. Mais quand tu étais là dedans, tu vas te ressourcer en Dieu, tu vas chercher en Dieu la capacité pour pouvoir continuer. C'est normal, c'est essentiel même, c'est naturel même, je dirais. Donc Paul, c'est ça qu'il fait ici. Mais le but, c'est encore ça, c'est pouvoir continuer l'Évangile. Okay? Donc, j'ai pas été me ressourcer pour que ça arrête la persécution. J'ai été me ressourcer pour pouvoir continuer dans la persécution à annoncer l'Évangile. C'est ça qu'il demande, c'est ça qu'il va aller chercher auprès de Dieu. Donc, comment est-ce qu'il fait ça? Parce que là, auprès de Dieu, c'est comment il va faire ça? Comment il va faire ça? C'est ça que je me demandais, c'est lui qui m'en parlait un peu. Ça va être par la prière. Oui, c'est sûr qu'il va prier, c'est sûr. Parce qu'il va dire que lui-même prie pour eux, puis lui-même va demander aux autres de prier pour lui, afin que j'aie de l'assurance pour parler. Donc, c'est clair dans les Écritures, c'est ça qui arrive. Je prie pour vous autres, puis moi, je vous demande de prier pour moi. Mais lui, il priait pour lui-même aussi en même temps. C'est pas difficile pour moi de comprendre que dans sa marche avec Timothée, avec Silas, qu'il devait être prié le soir, puis Seigneur, donne-nous du courage que demain, on va être capable de continuer à parler. Et c'est contre nature humaine d'aller vers la souffrance. C'est contre nature humaine. On ne veut pas ça. Et là, la seule façon que Paul sait que la souffrance pourrait arrêter, c'est de changer l'Évangile. Il sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Ça ne va pas arrêter. La seule façon, c'est que soit que j'arrête de prêcher l'Évangile, ou soit que je change l'Évangile. Mais si je continue à présenter l'Évangile que je fais depuis 10 ans, depuis 15 ans, je sais qu'est-ce qui va arriver, c'est toujours ça qui est arrivé, puis ça va encore arriver. Donc, mais je veux continuer à le faire, donc que j'ai besoin d'aller chercher auprès de Dieu de l'assurance. Il y en a qui disent de l'hardiesse, comme la Sabine la disait, il y en a qui vont dire de la force, les différentes traductions qui le font. Donc, il va chercher par la prière, puis d'autres choses. On avait vu la joie du Saint-Esprit, puis on a vu que la joie, c'était avec les vérités de la parole. Fait que j'imagine que là, c'est pas juste prier, mais c'est aussi prendre possession des vérités. Là. Oui, donc la parole de Dieu, ou les promesses de Dieu, ou les déclarations de Dieu, ou le plan de Dieu, quand je connais bien, comme tout à l'heure on a parlé, Dieu m'a dit, Jésus a dit à ses disciples, ben ils vont vous traiter comme ils m'ont traité, ce n'est pas surpris. Si vous suivez le même chemin que moi, ils vont vous traiter comme moi. C'est comme ça. Puis Paul, c'est ça qu'il a vécu. Donc Paul devait aller chercher dans les Écritures, puis d'aller chercher aussi dans les Écritures que oui, je souffre, oui, l'Église souffre, mais le résultat final, c'est une nouvelle terre avec Dieu. C'est le retour du Seigneur. Donc, quand je regarde vers la fin, l'aboutissement de toutes ces difficultés-là, ça peut m'encourager aussi. Et c'est pas pour rien qu'on va voir que dans toute l'Épître et dans la deuxième Épître, il parle du retour du Seigneur. Je crois que l'apôtre Paul voit le retour du Seigneur comme la délivrance, l'arrêt des souffrances. Mais il va chercher son courage dans l'espérance beaucoup. Mmh. Parce que, souvenez-vous, je vous ai dit la semaine passée, pour eux autres, là, les Thessaloniciens, et pour Paul en grande partie, et là, le retour du Seigneur, ce n'est pas dans 2000 ans. ça arrive, ça s'en revient. Avant qu'on meure, peut-être même, là, ça s'en revient. Donc, OK, je souffre encore un autre dixième, mais après ça, c'est l'euphorie avec Dieu dans l'éternité. OK, on peut s'encourager un peu avec ça. D'autres choses? Juste avoir un enfant. Est-ce que le Matthieu, Marc, Luc, Jean était déjà écrit à cette époque-là? Non. Ça veut dire qu'il se fortifiait par la parole qui était dans l'Ancien Testament? Oui, et les vérités qu'il avait entendues du Seigneur. Lui, il n'a pas écrit, mais il l'avait entendu direct. Fait qu'il savait les informations. Donc les apôtres n'avaient pas besoin d'écrire l'Évangile pour être fortifiés par l'Évangile. Ils connaissaient l'Évangile. Et donc, ils l'avaient entendu pendant 3 ans, donc ils se fortifiaient avec ça. Finalement, ils l'ont écrit 25 ans plus tard. Fait que pendant ces premiers 25 ans, on appelait ça la tradition orale des Écritures. On transmettait les Écritures de bouche à oreille. C'était pas encore écrit. Fait que quand on voulait savoir de quoi, on allait voir un apôtre, on allait voir un témoin qui était oculaire, on disait, qu'est-ce que Jésus a dit sur le sujet? C'est pour ça que quand ils vont partir d'Antioche, ils vont descendre à Jérusalem, ils vont voir les 12. Il y a une chicane dans l'église, ça n'arrive jamais ça, mais il y a une chicane dans l'église. Et là, ils sont en train de se diviser à Antioche. OK, on envoie une délégation à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus, donc, par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez, vous êtes les 12? Les 12 répondent, les anciens de Jérusalem répondent. OK, c'est bon, on part pour retourner à Antioche, avec une réponse à leur donner. Quel autre moyen? On a vu la prière, les Écritures, les promesses, les vérités, le retour du Seigneur, on voit les Écritures, d'autres choses aussi. Par l'Église elle-même? Ah oui, vous avez raison. L'encouragement des frères et sœurs. Il dit, nous avons trouvé le courage à qui sont quelques-uns. Je ne sais pas qu'ils s'encourageaient mutuellement à le faire. Il y avait, je parlais de ça cette semaine avec quelqu'un, je disais, pour certains croyants, lire un verset, ce n'est pas suffisant pour s'encourager. C'est d'aller voir d'autres croyants qui sont pareils comme eux et qui vont s'encourager mutuellement. Prier ensemble, lire quelques textes ensemble, s'encourager, dire ah, « relâche pas, continue ». Vous savez que moi, c'est comme ça dans la vie aussi. Là. C'est pas juste, c'est pas un principe biblique, c'est un principe de vie. Que quand c'est plus dur de passer une épreuve tout seul, que si on est 4-5 qu'on passe à travers la même épreuve, on s'encourage, on se fortifie. La marche, les marathons, les... On s'encourage, on se parle, viens-t'en, continue, lâche pas. C'est comme ça que ça marche dans la vie. On est comme ça. On était créé pour être de même aussi. On n'est pas créé pour vivre seul. On est créé pour vivre en gang et on s'encourage. Donc ça fait partie de cela. Donc quand je parlais des Écritures, bien là, on met le Saint-Esprit dedans tout le temps. L'Écriture, c'est l'Esprit qui nous aide à comprendre, qui va nous aider à renouveler notre intelligence. Donc le Saint-Esprit fait partie de le, comment je pourrais dire, du bagage pour continuer. Mais lui, il y a une œuvre en nous un peu silencieuse. Il fait sa job, mais on n'est pas toujours conscient qu'il est en train de la faire. Mais moi, j'ai une conviction, c'est pas si vous autres la partagez. Moi, j'ai une conviction. Quand je m'expose à la vérité, sans aucun doute, je sais que le Saint-Esprit va être là pour l'utiliser. Sans aucun doute. Le Saint-Esprit utilise les Écritures. Pas mes émotions, pas mes pensées, pas mes expériences, il étudie, il utilise les vérités des Écritures. C'est ça qui fait. Mais pour aussi, il y a une autre chose qu'on n'a pas pensé, qu'on a parlé, qu'est-ce qui pourrait m'encourager. Il y a d'autres choses qui peuvent être aussi une source d'encouragement, pourquoi? Mais si c'est en Dieu, là je fais un parenthèse, je rajoute quelque chose qui n'est pas là, mais je rajoute quelque chose. Par rapport à Paul ou par rapport à lui? Donc, Paul pourrait être encouragé, et nous autres aussi, ça va faire la même chose. Parce que si Paul, lui, il avait été choisi comme l'apôtre envers ces gens-là, c'était comme plus clair. Là. C'est moins clair pour nous, hein? Non, c'est parce que nous, on ne sait pas qui c'est. Mais, oui, Paul. Mais Paul, quand tu vois le résultat que l'Évangile a eu... Le résultat d'avance. Yes. Oui. Lui, il se rappelle, oui, j'ai souffert à Philippe. Mais j'ai vu Lydie et sa famille se convertir. J'ai vu le geôlier avec toute sa famille se convertir. Et donc, les résultats passés peuvent encourager à continuer. Oui, je m'en vais à Thessalonique. Oui, je vais peut-être souffrir, mais il va peut-être avoir encore des conversions. Puis là, il arrive à Thessalonique et il se convertit du monde encore un coup. Donc, Paul a vécu à travers sa vie Donc, tu n'as pas toujours la même chose, tu n'as pas toujours des gangs qui se convertissent, des fois ça peut être des individus, mais ils voyaient le résultat. Et ça aussi, c'est encourageant, ça aussi, ça fortifie. Mais ça, est-ce que ça ne serait pas, c'est vrai que ça encourageant, c'est vrai que ça fortifie, mais en même temps, c'est très, très... très très humain là, parce que si on s'attend toujours à des résultats, tu sais, c'est sûr qu'il doit en avoir, mais je veux dire, on en connaît qu'on prêchait puis que finalement il n'y a pas toujours nécessairement là des résultats. Il faut rester attaché, même si il faut persévérer, même si on ne voit pas toujours, parce qu'on sait qu'on peut que les résultats peuvent venir bien longtemps après notre passage ou le passage de l'esprit à travers les autres, n'est-ce pas? Oui, je suis conscient de ça. Je vais faire mention ici, le résultat va être encourageant. Donc, si le résultat n'est pas à toutes les semaines, ou n'est pas à toutes les... Mais la plupart de nous, on a vu à travers nos vies, même si ce n'était pas personnel, on a vu à travers l'Église, à travers des gens qui se sont convertis. Mm-hmm. Donc, même si ce n'est pas moi, c'est dans l'Église que j'ai vu des baptêmes. Moi, je me souviens au début, quand on voyait 10-12 baptêmes par mois, c'était encourageant, c'était motivant. Puis même si c'est pas moi, mais moi, j'ai une autre conviction. J'en ai des convictions à plein. Je vous les donne, puis si vous voulez les voir, c'est les voir. Mais plus j'ai avancé dans ma vie chrétienne, plus je vois les résultats comme, non pas le résultat d'un individu, mais d'un groupe. Donc, de savoir que j'ai pas prêché, mais que j'ai prié pour celui qui prêche puis qui a du résultat, je fais partie du résultat. J'ai participé avec lui au résultat. C'est peut-être pas moi qui a annoncé l'Évangile, mais j'ai prié pour... Si on met Paul dans notre contexte, j'ai prié pour Paul. J'ai peut-être accompagné même Paul un petit bout dans ses voyages. Il a peut-être couché chez nous quand il passait dans ma ville. Donc, j'ai participé à l'œuvre de Dieu. Donc, ce n'est pas juste mes résultats personnels, mais les résultats de l'Église aussi dans l'ensemble. C'est pour ça que Paul va embarquer l'Église dans ses résultats souvent. Vous m'avez. Donc, il parle que sans eux, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait là. Donc, c'est pas. Quand vous participez à une œuvre de Dieu, vous-même, avec soit prière, soit des dons, soit des accompagnements, et que vous voyez le résultat, vous avez participé à cette œuvre-là. Et ça peut être encourageant de voir cela et de pouvoir continuer à travers les difficultés. OK? Donc, c'est intéressant de le penser comme ça. Bon. L'assurance. C'est assez clair. Quand on est en difficulté et qu'on a envie de reculer ou de modérer ou de changer l'Évangile ou de se retirer, on va chercher de l'assurance en Dieu. On le fait. On va chercher l'assurance en Dieu. On va s'arrêter, on va prier. On peut prier ensemble, les frères et sœurs. On va lire les Écritures. On va regarder ce que Dieu a fait. On étudie, ils m'ont dit les psaumes. Qu'est-ce qu'ils font, les psalmistes? Ils regardent en arrière. Dieu, tu as délivré mon peuple dans le passé. Maintenant, on te prie que tu délivres aujourd'hui. Donc, il se fie à l'expérience passée. Tu l'as fait dans le passé et on prie que tu le fasses encore aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de connaître l'histoire des Juifs, de connaître l'histoire de l'Église aussi. Pour annoncer l'Évangile de Dieu, donc, on a pris de l'assurance, on est allé passer du temps dans la prière, on s'est encouragé dans notre marche en s'en allant à Thessalonique, on s'est parlé, on a planifié, on a orchestré, on a fait toutes sortes de choses. Et le but, c'était d'annoncer l'Évangile de Dieu. La tentation, je vous l'ai dit depuis que je vous connais depuis 10 ans, 12 ans, l'Église change l'Évangile. C'est la tentation que l'Église a vue. C'est pour ça qu'à 150 ans, 200 ans, l'Église est fermée. Ça ne marche plus, on ne prêche plus l'Évangile de Dieu. C'est la tentation. Donc, je prends l'assurance, non pas pour que je suis capable de parler, je suis capable de, en tant qu'être humain, je peux être un audacieux. C'est pas ça. C'est je vais avoir de l'assurance pour pouvoir annoncer l'Évangile de Dieu. Puis je vous l'ai dit, c'est l'Évangile de Dieu qui cause des problèmes. Ce n'est pas Paul qui cause des problèmes. C'est le message qui offense les gens. C'est le message de la vérité qui offense les gens. C'est pas Paul. Pas parce que Paul était trop agressif, ou trop ici, ou trop ça, il parlait trop, il parlait pas assez. C'est pas ça. C'est que l'évangile qu'il annonçait contenait un message, comme on a vu dans le chapitre 1, de la colère de Dieu qui s'en est dans l'humanité. Il dit, vous êtes convertis pour attendre des cieux, pour Jésus qui nous délivre de la colère de Dieu. Donc, Paul annonçait que le monde était sous la colère de Dieu à quelque part. Parce qu'il n'aurait pas entendu Jésus venir délivrer de la colère s'il n'y avait pas de colère. Il y en avait. Donc, il annonçait un évangile qui traumatisait les gens, ou qui offensait les gens, ou qui amenait les gens à réaliser qu'ils avaient mal interprété les Écritures si c'était des Juifs, ou qu'il y avait des idoles qu'il n'aurait pas dû faire. Donc, il leur disait des choses qui étaient un peu offensantes, si je peux dire ça, comme pour eux autres. Comme tu viens de dire, quand tu t'adresses au peuple juif, tu leur dis « c'est vous qui avez crucifié ». Mais quand tu t'adressais aux nations, c'était par rapport aux idoles, c'est ça qui touchait, ça? Oui, des fois, il passe ça, mais l'apôtre Paul, quand on le voit arriver chez les nations, il commence avec Dieu. Il ne commence pas avec Jésus, il commence avec Dieu. Donc, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, qu'est-ce que vous en faites, ce que là? Est-ce que vous l'adorez? C'est ça qui va toucher. Ouais. Il commence là, puis il va s'en aller vers Jésus avec le temps. Mais il commence là, quand vous voyez dans Acte 17, il va à l'aréopage, il parle, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, blablabla, il part. Donc, il commence par voir s'il croit en Dieu, s'il croit au Dieu que lui va annoncer, et s'il ne croit pas au Dieu qu'il va annoncer, puis souvenez quand il dit à Athènes, vous avez des idoles à tous les coins de rue, vous avez tellement d'idoles qu'il y a des idoles à un Dieu inconnu. Tellement vous en avez des idoles dans votre ville. Il dit, moi, je viens vous présenter le vrai Dieu. Wow, tu es en train de nous dire que tous nos idoles ne sont pas bonnes? Le seul vrai Dieu vivant, c'est moi, c'est celui que je vous annonce. À Joy, tu vas savoir des roches. Donc, c'est que je me souviens, dans mon petit pèlerinage à moi de vie chrétienne, ma mère, elle voulait tellement que je lui dise qu'elle était correcte avec son Dieu, puis moi, je suis correct avec le mien. J'ai dit, non, non. Il y a juste un Dieu, puis on n'est pas le même. Donc, ça amène des discussions, ça amène des confrontations. Quand tu présentes le vrai Dieu, est-ce que automatiquement, la personne, si tu l'annonces bien, la personne doit savoir qu'elle a des idoles, parce qu'on voulait que ça le tienne, il avait fait le ménage. Parce que tu vas le présenter comme l'unique Dieu. Comme l'unique, parce que tu disais l'autre jour qu'il y avait un homme qui avait prêché, puis là, le gars dans l'assistance était venu le voir, puis il avait dit, oh, je vais rajouter Jésus à travers toutes les autres, je vais être safe. Puis là, le pasteur, il s'est dit, j'ai manqué ma prédication, s'il a compris ça, parce que automatiquement, en sachant qu'il y a un seul, qu'il y a Dieu, le Créateur, tu devrais tout tasser les autres. C'est sûr que quand on voit la création, quand on annonce la création dans Genèse, que Dieu dit « Je suis celui qui a tout créé, c'est moi qui maintiens toutes choses, c'est moi qui ai mis les normes pour toutes choses, ça élimine tous les autres dieux. Là. J'ai tout créé l'univers, le ciel, la terre, la mer, les êtres humains, j'ai tout créé, donc il ne reste pas de place pour personne d'autre. Donc si toi tu dis qu'il y en a un autre, tu as un faux à la part. C'est un gars qui veut voler la gloire de Dieu qui a créé toutes choses. Donc, ça devient automatique. Parce que si on aurait eu annoncé l'Évangile dans des pays ou dans des cultures où il y avait l'idolâtrie et qu'ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, on aurait été obligé de le faire un peu plus clairement. Nous, on a commencé au Québec, on a pris pour acquis que les catholiques savaient, connaissaient ça un peu. Mais les catholiques avaient le Dieu, ce qu'on peut dire, de la Bible, ils avaient mis un paquet d'idoles tout autour, des saintes vierges, des saints, les soudeurs, ils l'avaient entouré, il était tellement dur, puis méchant, puis sévère, qu'ils avaient mis toutes sortes d'idoles autour pour faire un mur entre les deux. On va parler à Marie, puis à Joseph, puis ils vont aller parler à Dieu. Nous autres, on ne peut pas s'approcher, on est trop méchants. T'sais. Donc, ils connaissaient mal le Dieu de la Bible. Donc, l'apôtre Paul, il dit, pour annoncer l'Évangile de Dieu, et ça, je vous l'ai dit, l'Évangile de Dieu, il faut toujours réévaluer, il faut toujours retourner en arrière, dire, c'est quoi que Paul annonçait? Si je veux voir si mon Évangile, que moi je crois, c'est l'Évangile de Dieu, je vais aller voir qu'est-ce que Paul disait, qu'est-ce que Paul annonçait, ce que Jésus disait, pour comparer ce que je crois à ce que lui annonçait comme tel. C'est comme ça que je compare si l'Évangile que je crois, elle était la vraie, ou si elle n'est pas 100%, je vais ajuster, je vais enlever des parties, je vais en rajouter d'autres pour avoir un évangile de Dieu le plus exact possible. Parce que c'est l'évangile de Dieu qui sauve les gens. Ce n'est pas un autre évangile. C'est l'évangile de Dieu. Et l'apôtre Paul dit lui-même dans Galates, il n'y en a pas d'autre évangile. Si vous n'avez pas la vraie évangile, vous êtes perdu. Donc c'est dans ce sens-là. Puis là, il dit, il rajoute le futur. Vous savez que je suis arrivé de Philippe au milieu des tribulations. J'ai prié en m'en venant pour être capable d'annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Donc, il sait que ça va continuer. Donc, j'ai pris de l'assurance pour vous annoncer l'évangile au milieu des combats qui s'en viennent, que je vais vivre à Thessalonique. Là, il fait ça entre les deux, je dirais, jusqu'à certains points. Et il arrive à Thessalonique, il rentre dans la synagogue, il prêche l'évangile et il y a des combats. Il savait que ça ferait ça. Donc c'est pas pour annoncer juste l'évangile qu'il prie, parce que quand ce qui le pousse, ce qui lui demande, je pourrais dire intérieurement, d'aller chercher auprès de Dieu la force, c'est qu'il sait que ça va être difficile, tout simplement. Il sait que ça va être difficile. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas penser que l'apôtre Paul était un surhumain ou un surchrétien ou un SS chrétien. C'était un être humain avec la même chair que vous. Moi. Paul avait-il encore la chair? Si vous dites non, venez me voir au confessionnal après. Si vous dites oui, sa chair ne voulait pas aller annoncer l'évangile. Sa chair refusait, elle ne voulait pas, elle voulait justifier, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de te mettre en misère, tu n'as pas besoin de ci, puis va non pas ça, puis va non pas là. C'est ça qu'a fait la chair avec nous. Elle essaie d'emmener un raisonnement qui va nous dire, bien, c'est vrai, je n'ai pas besoin de faire ça, vraiment, puis je peux un peu aller plus cool. Puis c'est ça que la chair veut faire. C'est tout qu'il va juste dire, puis il connaît la chair. Il connaît la chair. Et c'est pour ça qu'il me dit, de la gravelle, tout le monde. Le verset 3 va nous dire pourquoi qu'il fait ça, qu'il va chercher. Car, ça, c'est toujours la réponse. Là. Je fais ça entre Philippe et Thessalonique. Je vais chercher de l'assurance en Dieu pour pouvoir annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats, car notre prédication ne repose pas sur l'erreur. Notre prédication ne repose pas sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Donc, il dit... Je ne veux pas changer l'évangile, je veux garder l'évangile, je ne veux pas changer l'évangile, je veux garder la vraie évangile de Dieu. Donc, si je ne voudrais pas souffrir, si je voudrais diminuer la souffrance, qu'est-ce que je ferais? Je changerais les affaires. J'amènerais ça plus doucement. Là. Dieu, il t'aime, ça vous fait du bien, il va vous bénir, puis il va vous faire du bien. Ce matin, j'étais allé écouter une prédication de Claude Hood. Vous connaissez Claude Hood, c'est le pasteur de l'église Nouvelle Vie à Longueuil, une grosse église de 4-5 000 personnes. J'étais allé écouter ce qu'il avait à dire. Et ce matin, dans sa prédication, il disait à toute la gang qui était là, mettez vos mains comme ça, puis dit Dieu, si tu me bénis, Dieu, si tu me bénis, voici ce que je vais faire. Dieu, si tu me bénis, voici ce que je vais faire. Puis il a cité un texte de la Bible. Il dit, c'est pas un mormon, il cite le texte de la Bible. En contexte, bien entendu, il cite un texte de la Bible, puis il prend un texte de l'Ancien Testament, puis l'auteur de l'Ancien Testament, il dit, si tu me bénis, voici ce que je vais faire. Puis il dit, si on fait ça, Dieu va nous bénir en 2023. Donc il s'attend à cela. Donc, mais j'ai dit, es-tu en train de changer l'évangile pour arriver à être capable de t'encourager? Parce qu'il dit, nous, on ne prêche pas des erreurs. Mais il est-tu en train de négocier aussi? Non, mais là, on n'entend pas. Je veux juste vous dire que c'est donc facile de vouloir présenter l'évangile pour que ça soit plus acceptable, plus motivant, plus fort. Mais moins dérangeant. Moins dérangeant. Rien que de leur dire que tu es dans l'erreur, comme toi, tu dis à ta mère. Tout de suite, là, on vit le rejet. Ouais, on s'est passé des grosses têtes, puis des n'importe quoi. Souvent, on va se faire voir comme vous pensez meilleur que nous. Vous pensez que vous êtes correct, nous autres, on n'est pas correct. Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir la vérité. Donc, c'est dans ce sens-là. Mon frère m'avait dit une fois, il dit, François, viens, on dit, hey, toute l'Église catholique depuis 2000 ans, voyons donc, ils ont toutes plein de théologies, de gens qui étudient la Bible, voyons donc si ça a trompé. Tout le monde, ça s'est trompé, acceptez-toi. Pour nous autres, c'est comme ça qu'ils voient. Mm-hmm. Ils ont raison, jusqu'à certains points, humainement parlant. Mm-hmm. Si nous autres, on dit, ben non, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Et si on s'en remet à la place de Paul, mm-hmm. lui, il avait de l'instruction, il avait étudié au pied de Gamaliel, là. Mm-hmm. Il savait d'où il partait dans sa connaissance. Il arrive avec quelque chose qui peut avoir l'air contraire à avant, il persécutait ceux qui croient. Oui, c'est ça. Ça. Fait qu'il vivait le même dilemme, là. Tout le monde a vu l'apôtre Paul changé. Là. Il est parti pour tuer les croyants, puis il revient chrétien. Donc, ouais. c'est tout un switch dans sa vie, l'apôtre Paul. Donc, il dit ici, car notre prédication de l'Évangile de Dieu ne repose pas sur les choses de la terre, la fraude, les motifs impurs, donc les erreurs, on va dire les motifs impurs, sur la fraude. Donc, c'est toutes ces choses-là, c'est pas ça. Si ça serait ça, on ne serait pas persécuté. Si c'est ça, on ne serait pas persécuté. Donc, notre prédication n'étant pas basée sur l'erreur, les motifs impurs, sur la fraude, donc, je suis obligé d'aller chercher de l'assurance en Dieu pour pouvoir continuer à prêcher la vraie Évangile. Verset 4 dit, mais, on ne fait pas le verset 3, mais, on fait le verset 4, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc, vu qu'on ne veut pas faire le verset 3, je suis allé chercher de l'assurance en Dieu. Donc, je ne veux pas faire le verset 3, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, on ne parle pas pour plaire aux hommes. Si on voudrait plaire aux hommes, si on parlait pour plaire aux hommes, on ne serait pas persécuté par les hommes. On plairait aux hommes, simplement. Ce serait facile à comprendre, n'est-ce pas? Si je parle de façon telle que ça va plaire aux êtres humains, un évangile qui va leur plaire ou une nouvelle qui va leur plaire, ben, ça, ils ne me persécuteront pas, là, c'est bien entendu. Mais si je veux plaire à Dieu, qui sont des cœurs, donc Dieu voit dans mon cœur, donc automatiquement, je veux plaire à Dieu et Dieu me confie l'évangile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ici, ce texte-là? L'apôtre Paul dit, je ne veux pas prêcher comme certains prêchent, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, de nous donner l'Évangile pour qu'on puisse l'apporter aux gens, nous parlons non pas comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Ça, cette façon de plaire à Dieu va revenir à plusieurs places dans les deux épîtres. Plaire à Dieu. Vous avez appris de nous comment plaire à Dieu. Vous avez appris de nous comment plaire à Dieu. Donc, plaire à Dieu. Donc, c'est ici, il dit, je veux, quand je parle de l'Évangile, je veux plaire à Dieu. Je ne veux pas plaire aux hommes, je veux plaire à Dieu quand j'annonce l'Évangile. Je veux faire plaisir à Dieu, si je peux dire ça comme ça. Un autre mot que je dirais, je veux glorifier Dieu que j'annonce l'Évangile. Je veux plaire à Dieu. Je ne veux pas faire aux hommes. Les hommes, ça se peut bien qu'ils soient enlités contre moi, ça se peut bien qu'ils m'en veulent, ça se peut bien qu'ils me rejettent, ça se peut bien qu'ils me battent, ça se peut bien qu'ils me mettent en prison, ça se peut bien que certains vont m'écouter, certains vont se convertir. Mais moi, quand je prêche, quand j'annonce l'Évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Donc, si je la change, je ne peux pas plaire à Dieu si je la change. Hein, je te donne un message à donner à quelqu'un, puis je change le message à mon allée, tu vois, le gars qui te l'a donné, il va dire, « Hey, ben, une espèce, de changer mon message. C'est pas ça que je t'ai donné comme message. C'est pas ça que je t'ai donné à aller annoncer. Je t'ai donné une bonne nouvelle à aller annoncer. Est-ce que tu as annoncé la bonne nouvelle que je t'avais donnée? C'est ça qu'il est en train de dire ici. Mais là, c'est quoi qu'il veut dire quand je parle? Nous ayant éprouvé pour nous confier. Là. C'est ça que tu es en train d'expliquer. Ça, ouais, ce mot éprouvé, c'est le mot digne. Jugé digne, nous, c'est le mot éprouvé. Il nous a testé, on pourrait dire. Ouais, c'est quoi là? C'est comment qu'on comprend ça? Comment qu'on a été testé là? C'est pas. Je vous autres, là, vous comprenez ça comment? Parce que là, c'est comme s'il y a eu d'autres places, puis là, il a fait ça comme vous, fait qu'il pourrait continuer. Je le comprends. Parce qu'il continue à Non, ben, si on était trouvé digne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ont fait. On persévère à travers les persécutions. Mm-hmm. Dans notre contexte, c'est quoi qu'il tentait de parler? C'est persécutions. Il parle de ce qu'il a vécu entre Philippe et Thessalonique. La persévérance qu'ils ont eue à travers. Donc, ils sont, tant qu'ils annoncent l'évangile de Dieu avec des motifs purs pour plaire à Dieu, ils sont jugés dignes. Ils sont dignes parce qu'ils ont fait ça dans le passé, tu dois en arrière. Dieu dit, vu que vous continuez à prêcher l'évangile sans la changer pour me plaire, bien, c'est à vous autres que je confie l'évangile. Si je la change, je ne peux pas vous la confier, je vais la confier à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que vous avez vu dans l'histoire des églises fermées, puis Dieu va prendre l'évangile, puis la donner à un autre, puis là, on va continuer. Là, on voit du ça individuel avec Paul et ses amis, mais on pourra faire ça, même chose au niveau des églises. L'église, elle prêche tout l'évangile, Dieu dit, je vais enlever ton chandelier, puis je vais le donner à un autre. C'est pas plus que ça. Parce que vous ne prêchez plus l'évangile. Vous n'êtes pas digne de mon message que je vais donner. Vous l'avez transformé pour ne pas être persécuté, vous l'avez transformé pour l'adapter à vos besoins personnels. Donc, vous n'êtes pas digne de mon message. Vous n'êtes pas digne de transmettre l'évangile. Donc, ce qui le rendait digne, je veux dire en s'en allant, c'est qu'il avait gardé l'évangile tel que reçu, et il la transmettait au milieu des tribulations pour plaire à Dieu. Nous, on a souvent vu l'annonce de l'évangile, la conversion des gens. Premièrement, c'est un peu décalé. On devrait annoncer la bonne nouvelle pour faire plaisir à Dieu, faire la gloire de Dieu. Et si ça sauve des gens, correct. Mais nous, on approche les gens dans le but qu'ils soient sauvés, qu'il faut qu'ils soient sauvés. Puis ce désir, je ne parle pas moi, ce n'était pas votre expérience, mais dans le passé, pour moi, c'était, je voulais tellement qu'ils soient sauvés. Je disais des choses plus ou moins correctes. Parce qu'on pense en être humain, mais douceureuse. Ou des fois, leur faire peur. Hein? On essaie de leur faire peur. Tu prends une décision vite. Hey, tu peux mourir cette nuit, tu t'en vas où si tu meurs cette nuit, là? Ça fait peur un peu. Ou bien non, Dieu t'accepte, puis Dieu va te pardonner, puis Dieu va te dire, Dieu est dingue, tu vois, Dieu, ça va bien aller. Parole douceureuse. On change l'évangile. Pour que finalement, le gars dise oui, nous, la fille, dise oui. Et là, c'est Paul dit, moi, je ne fais pas ça, puis je ne veux pas faire ça. Et je vous le dis, Paul était aussi tenté que vous de le faire. C'est un être humain. Il ne faut jamais penser que l'apôtre Paul était un super spirituel. C'est où ça va faire? Vous allez le voir de loin sur un piédestal, puis j'ai dit, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je vais l'abandonner. Vous ne le ferez pas? Parce que vous dites, même Paul était spécial, lui a fait des choses spéciales, il veut des Jésus spécial, c'est des choses spéciales. Donc, on s'éloigne tellement du modèle, on pourrait dire, à imiter, parce que vous êtes devenus mes imitateurs, qu'il a dit toute la semaine passée. Donc, il est tellement loin, ce gars, à imiter, que, tu sais, on dit des fois, c'est pas facile de mettre ses souliers, là, d'embarquer dans ses souliers. C'est tellement fort, tellement grand, tellement super ce qu'il a fait, parce que pour nous autres, c'est pas faisable pour nous autres. Mais c'est pas la réalité. L'apôtre Paul, c'est un pécheur. L'apôtre Paul, il va mourir un pécheur. L'apôtre Paul a la chair aussi qui l'amène à vouloir renoncer, s'éloigner, lutter avec la chair. Et il va prier, il va continuellement. Moi, il y a des choses qui m'épatent de la part de l'apôtre Paul. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Ça, c'est l'humilité pour moi. Dans le ministère, c'est l'humilité. Priez pour moi. Priez pour moi, j'ai besoin de prier. Je ne suis pas capable de faire tout seul. Priez pour moi, embarquez avec moi. Priez pour moi, je suis seul, je ne suis pas capable de faire tout seul. Embarquez avec moi. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de me dire, je ne suis pas capable de faire tout seul. Embarquez avec moi. Je ne suis pas capable de faire tout seul. Donc, c'est qu'il voit ça, mais quand il réussit à le faire, Dieu le déclare digne d'annoncer l'évangile de Dieu. Il va l'utiliser pour proclamer les bonnes nouvelles, puis en sauver quelques-uns s'en allant. Il va l'utiliser. Donc, c'est cette idée conjointe entre ce que Dieu fait et ce que l'être humain fait. C'est Dieu fait, mais dans notre texte ici, c'est des êtres humains qui sont prêts à mourir pour arriver à le faire. C'est que c'est pas juste plus foi dans ce que Dieu peut faire, mais ils savent qu'ils doivent faire, eux, quelque chose aussi en même temps, s'ils veulent que... S'ils pensent, s'ils prient que Dieu intervienne, ils savent qu'ils doivent, eux, prier, aller annoncer, peut-être souffrir un peu, aller en prison, pour que leur prière devienne exaucée. On était un jeune chrétien, on disait quoi? Mets des pattes à tes prières. On disait ça souvent. Mets des pattes. Tu pries pour quelque chose t'arrive, ben sors, puis vas-y. Puis c'est ça qu'on voit dans les Écritures. L'être humain prie Dieu, mais dans le même contexte, dans la même Bible, l'être humain fait tout ce qu'il peut pour que ça l'arrive. C'est pas il prie puis s'assit. Il prie, puis là il se lève, puis il va faire tout ce qu'il peut. C'est ça qui est intéressant, de voir cet équilibre qu'on voit dans la Bible. Donc ça c'est, l'apôtre Paul il dit, vous savez là, qu'est-ce qui s'est passé là, entre Philippe et chez vous. Donc, j'ai pris de l'assurance, j'ai prié, puis on a prié probablement, moi, Paul, Timothée, Silas, s'il y avait d'autres qui accompagnaient, on a prié que Dieu nous donne de la force, que quand on va arriver chez vous, on puisse annoncer l'Évangile, sans la changer, pas la transformer pour plaire aux hommes. On ne veut pas arriver là pour plaire aux Juifs, leur dire, hey, le Messie est arrivé, puis la prospérité va arriver, puis Dieu, il va établir le royaume, finalement, notre Messie, Jésus, puis... Non, c'est pas tout à fait de même qu'il prêchait. Si vous voulez en avoir un, Pierre prêchait dans Acte 2. Le premier sermon de la Nouvelle Alliance, c'est Pierre qui prêche dans Acte 2. 3000 s'est converti, mais il y a eu du front autour de la tête, puis il a dit ce qu'il avait à dire. Vous avez fait mourir celui que Dieu avait envoyé. Pouh! C'est mieux d'être prêt à avoir des carottes, des roches. Jamais, en effet, au verset 5, il continue. Là, on va aller rejoindre ce qu'Yvon a dit, les paroles flatteuses. C'était qui à lire? C'était Yvon. C'est ainsi que jamais nous n'avons eu de paroles flatteuses, vous le savez, jamais d'arrière-pensée, de profit. Dieu en est témoin, et jamais nous n'avons recherché d'honneur auprès des hommes, ni chez vous, ni chez d'autres. Pourtant, nous aurions pu vous imposer notre autorité en tant qu'apôtre du Christ. Au contraire, nous avons fait preuve de douceur parmi vous, comme une mère qui prend soin de ses enfants. Nous avions une telle affection pour vous que nous étions prêts à donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie, si nous étions devenus si chers. Si vous nous étiez devenus si chers. Vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'heure, vous n'êtes à charge à aucun de vous, mais nous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Comment, ainsi que vous le savez, nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous priant, vous exhortant, vous conjurant de marcher de manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc ici, vous le voyez, là, l'apôtre Paul, depuis le début, parle de lui. C'est ce que j'ai fait, parce que c'est fait, puis de l'assurance, parce que je voulais prêcher l'Évangile. Puis là, il dit aux associés, vous vous souvenez, vous vous rappelez, vous nous avez vus là, agir. Donc, il rappelle aux Thessaloniciens qu'est-ce qu'il a fait, lui, pendant qu'il était là, avec Silas et Timothée. De dire, rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé là, pendant que j'étais chez vous dans les deux premiers mois que j'étais là. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé. Et l'apôtre Paul ici, ce matin, je suis allé voir sur Google, fait une recherche, les passages où ce que Paul se vante. Il y a toutes sortes d'affaires sur Google, vous savez. Les passages bibliques où ce que Paul se vante, il nommait celui-là aussi, dedans. De ce que Paul parle de lui, comme s'il s'élevait un petit peu et se vantait un petit peu. Il dit, on a eu une conduite sainte et irréprochable au milieu de vous. Et regardez ce qu'on a fait là. Regardez ce qu'on a fait. Mais pourtant, verset 6, il dit qu'on n'a pas recherché la gloire. Donc, ça veut dire qu'il ne cite pas pour la pour ça. Ça. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas qu'il... Parce que Paul nous a déjà dit dans le texte qu'il était devenu ses imitateurs. Donc, il ne cherchait pas à être imité, il était déjà devenu les imitateurs de Paul et de Silas. Donc, pourquoi il le dit? Pourquoi il parle de lui comme ça? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on a fait chez vous, là? Il dit, nous n'avons pas usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Nous n'avons pas eu la cupidité comme mobile. Dieu en est témoin. Mais il dit, vous nous avez vus, là? On ne cherche pas la... Si on allait chercher la gloire, on a, ça a mal terminé parce qu'on nous a cherché de la ville pour venir nous tuer. On, si c'est ça, on a manqué notre coup, c'est vrai. Là. On a manqué notre coup, c'est vrai. Parce que c'est ça qu'on a... Mais il dit, j'ai pas utilisé. Puis ils se souviennent, je vous dis tout à l'heure, vous vous souvenez, les trois semaines qui ont passé, les trois sabbats, là, s'il avait utilisé des paroles flatteuses, puis salut, quand tu as la cupidité pour mobile, tu fais quoi? Tu changes l'évangile. Tu vas faire de quoi pour que ça vienne, là? Si tu as la cupidité comme mobile, tu sais, dans ce sens-là. Si tu as des mauvais motifs, quand tu annonces l'évangile, tu vas annoncer l'évangile pour plaire aux hommes, si c'est ça que tu as comme désir. Donc, si tu veux retirer des bénéfices, parce que si tu parles parole flatteuse, cupidité, la gloire, c'est pour toi, ça. Tu annonces l'évangile pour toi. Donc, si tu fais ça, il faut que tu changes l'évangile. Tu ne peux pas annoncer la vraie évangile qui est pour la gloire de Dieu et en tirer des bénéfices. Ça ne peut pas t'apporter à toi parce que tu annonces la bonne nouvelle de Dieu aux gens. Mais si je l'annonce pour en tirer des bénéfices, je suis poigné culotte à terre. Ça ne marche pas. Je ne peux pas le faire de même. Parce que je vais être obligé de la changer. Je ne peux pas l'annoncer, la vraie évangile, dans le but de tirer des bénéfices parce que ça ne marche pas. Donc on n'a pas utilisé ça. On n'a pas utilisé la cupidité, Dieu en est témoin, ce qu'il disait par là, il sonde les cœurs, à la fin du verset 4. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres, parce que si on avait cherché la gloire, on se serait présenté devant vous comme apôtre. On se serait présenté comme avec une autorité, mais on ne s'est pas présenté comme ça chez vous. Devant vous, l'autre église. On ne s'est pas présenté comme ça. Comment on ne s'est pas présenté comme autorité et on veut avoir du respect, on veut avoir de la considération. La considération, ou on veut avoir quelque chose qui revienne du côté de l'apôtre Paul. Au contraire, elle dit, au contraire, nous avons été pleins de douceur, comme une nourrice ou comme une mère prend soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous étiez devenus chers. Donc, ils ont dit, c'est intéressant, c'est pas long, là. C'est juste quelques mois, là. Donc, ils ont vu ça, ils ont vu la prise de position des croyants, des Thessaloniciens, et ils disent, on a vu ça, puis on ne s'est pas imposé. Au contraire, on s'est préoccupé de vous. On a essayé de vous aider le plus possible. On a essayé de vous chérir comme une mère chérit ses enfants. Un peu plus bas, il va parler de père. Là. On a agi comme une mère, puis après ça, on a agi comme un père. Donc, il dit, on a agi. Il dit, on, puis en même temps, il dit, vous vous rappelez ce qu'on a fait? On a travaillé jour et nuit. On ne peut pas être à charge de personne. Donc, on n'était pas là pour faire de l'argent, on n'était pas là pour avoir quelque chose. On a travaillé jour et nuit afin de ne pas être à charge à personne. Pourquoi vous pensez qu'il a fait ça ailleurs? Il va dire, j'aurai le droit de vous charger un salaire s'il le faut, mais je ne l'ai pas fait. Mais ici, là, comment veux-tu penser de te faire vivre par une église qui est sous la tribulation et qui souffre, qui est en tête de tout perdre à cause de la foi? Tu ne peux pas lui dire, en plus, tu peux pas vivre. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Au lieu de ça, il a travaillé jour et nuit, puis il a pris soin d'eux autres. Il a pris de l'argent qu'il avait, puis il a dit, je vais aider cette jeune église-là qui commence. Une petite question de même, François. Si les membres perdent leur job parce qu'ils sont chrétiens, comment ça que Paul peut travailler, lui? Mais c'est... Moi, je pourrais bien dire ça. Les citoyens romains. Hein? Premièrement, les citoyens romains. Oui. Mais je crois que le travail jour et nuit, c'est pas juste le fait que travailler, trouver un salaire... Rémunératif. Probablement aussi, en même temps, moi j'avais pensé, c'est plutôt travailler avec les croyants, dans les jobs de croyants, faire des tentes avec des croyants, comme il avait fait avec, on voit dans Acte 17, qui avait été avec Pélicine et Aquilas, faire des tentes à un moment donné pour faire de l'argent. Donc, je crois que travailler avec eux, plutôt de se faire vivre par eux. Donc, c'est dans ce sens-là, pour moi, le but, c'est que il est juste en train de vouloir montrer. Quand j'étais chez vous, vous avez bien vu que je faisais ça pas pour moi. C'est tout ce qui est en train de dire. Je le faisais pour vous, pour la gloire de Dieu et pour votre salut à vous autres. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Parce que vous allez voir pourquoi c'était si important qu'il le mentionne. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'Église, là. Il y a quelque chose à quelque part qui se passe dans l'Église. Pour que Paul mentionne ça comme ça ici. On va voir plus loin qu'il y en a qui vivent dans le désordre, il y en a qui prêchent l'Évangile changé, il y en a qui veulent changer la doctrine du retour du Seigneur. Donc, partout où ce qu'il y a l'Évangile annoncé, il y avait des gens qui passaient, qui amenaient un autre Évangile. On le voit quasiment dans tous les épîtres, parce que Paul dit, il y en a qui sont parmi vous autres qui changent l'Évangile, qui amènent un autre Évangile. C'est toujours été comme ça, tout au long. Puis l'apôtre Paul se faisait suivre, la plupart du temps se faisait suivre par des Juifs, et les Juifs arrivaient par en arrière, puis ils prêchaient un autre Évangile, ils changeaient l'Évangile. Paul est un menteur, puis il n'est pas ici, puis Paul c'est pas ici, puis Paul c'est un faux, puis on le fait à ça. Donc c'est, je crois que l'apôtre Paul ici se présente comme quelqu'un, à partir du verset 1 jusqu'à la fin du verset 12, se présente comme quelqu'un qui n'était pas là pour lui, non pas pour plaire aux hommes et abuser de l'Évangile, mais pour servir Dieu et servir l'Évangile. Donc c'est pour ça que pour moi, toute cette exposition ici de sa propre vie avec Silas et Timothée, c'est pour les aider à comprendre les faux, là. Les faux qui viennent nous annoncer autre chose, là, font pas ça. Ils font pas ça. Parce que s'ils font la même chose que nous autres, ils vont avoir le même résultat que nous autres. Fait qu'il dit, c'est ni qu'apôtre Paul, il va dire, pas Pierre va dire, ils sont comme des acabres dans vos mangers, ils viennent, c'est des nuages sans eau. Il dit, c'est des gens qui sont au milieu de vous, mais ils ne sont pas là pour vous, ils sont là pour eux-mêmes. L'apôtre Paul va dire dans Galates, ils ne sont pas là pour votre bien-être, ils sont là pour eux-mêmes. Donc, les faux, ils n'étaient pas là pour Dieu, ils n'étaient pas là pour l'Église, ils étaient là pour eux-mêmes. Donc, il dit, quand tu annonces la vraie Évangile et que tu sais qu'est-ce que ça va produire, vous pouvez être sûr que les gens sont corrects. Parce que les gens qui ne sont pas corrects n'annoncent pas la vraie Évangile, changent l'Évangile. Pour ne pas être persécutés. Donc, il dit au verset, vous êtes témoins, verset 10, et Dieu l'est aussi. Vous, ça fait deux, trois reprises ce qu'il dit, là. Dieu en est témoin, Dieu est témoin, Dieu sont mes cœurs. Dieu dit, devant Dieu, je sais que ma conduite a été sainte et irréprochable. Devant Dieu, je sais que j'ai été correct avec vous autres parce que j'ai annoncé la vraie Évangile. Moi, c'est ça qui pour moi, c'est pas compliqué. C'est pas des airs, là. Comment je vais savoir si je suis un vrai? J'annonce la vraie Évangile. Pas compliqué. J'en accepte les conséquences. Tant que je prêche la vraie Évangile, je sais que je suis un vrai. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit, regardez ce qu'il annonce les autres. C'est ce qu'il va dire un peu plus loin. Il dit, ne rejetez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bien et rejetez ce qui est mal. Il y en a qui annoncent des prophéties, puis c'est pas correct. Mais il dit, évaluez bien et retenez ce qui est bien. Il y en a qui changent, là, parce qu'ils veulent adapter quelque chose, là. Donc, regardez bien. Il dit, moi, j'étais au milieu de vous. Il dit, Dieu m'en est témoin envers vous qui croyez une conduite sainte et juste et irréprochable. C'est ce qu'il a décrit avant, là. Sans flatterie, sans ci, sans ça, sans cupidité, sans. Il n'est pas en train de dire là, qu'il est sans péché. Il n'est pas en train de dire qu'il est parfait. Mais en ce qui concerne l'Évangile, il annonce la vraie Évangile. C'est ça qu'il est en train de dire. Okay, donc, c'est dans ce sens-là. Puis là, il dit, vous savez, tu sais, il n'y a pas toujours qu'est-ce qu'il y a vécu avec eux autres. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous comme un père, tout à l'heure c'était une mère, mais c'est un père, qui est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant, et c'était pas mal intéressant, les trois choses, là. C'est avec certains, il les encourage, avec d'autres, il les console, parce qu'ils sont dans des difficultés, des persécutions. Puis les autres, il y a d'autres qui leur poussent un petit peu dans le dos. Ils conjurent, c'est-à-dire que c'est assez fort comme mot, conjurer. Je vous conjurerais de marcher digne de Dieu. Comme lui, il avait dit au début, j'ai marché digne de Dieu, j'ai marché comme ça. Et donc ça, c'est dit, faites comme moi, imitez-moi, faites comme moi, acceptez, prêchez l'Évangile, changez pas l'Évangile, acceptez qu'est-ce qui va suivre comme conséquence, et continuez à prêcher l'Évangile. vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et vous, le futur qui devient l'aide, l'espérance. L'espérance est une vertu de la foi qui est très puissante chez le croyant. Ce que j'espère qui va arriver demain, là, il y en a qui se font couper la bédaine en deux, espérant que ça va guérir leur maladie. Hein? On va loin dans cette espérance. Je crois que ça va me faire du bien, donc je suis prêt à faire toutes sortes d'affaires, espérant que ça va me faire du bien. Je ne suis même pas sûr à 100%, parce que j'espère que ça va me faire du bien. Puis là, je prends des risques. Je prends un médicament, je prends, me faire couper, me faire ci. Et quand on parle de Dieu, oui, mais mon espérance, elle est vraie, elle est garantie. Elle est garantie par la parole de Dieu. Donc, je dis, je souffre. Tu sais que l'apôtre Paul va dire ailleurs, les souffrances du temps présent n'ont pas de comparaison avec les bénédictions qui s'en viennent dans l'au-delà. Si vous le mettez sur une balance, là, les souffrances que vous subissez ici là, n'ont pas de comparaison avec les bénédictions que vont suivre dans l'éternité. Job va donner la même chose aux Juifs qui sont sur la persécution. Il dit, regardez Job a souffert, mais Dieu lui a donné 7 fois plus. Il donne ça comme exemple que si vous souffrez pour Dieu maintenant, ce que vous attendez là-bas, ce n'est pas 7 fois plus, c'est 70 fois plus, c'est 7000 fois plus, peu importe comment ce qu'on pourrait dire. Ce qui s'en vient dans l'avenir donne à Paul et à Silas la capacité de supporter la souffrance pour que l'Évangile soit prêché. Je crois que Paul avait une conviction profonde que seulement l'Évangile pouvait sauver les gens. Donc, s'il a changé, il n'y aurait pas personne qui sera sauvé. Donc, il disait, il faut que je prêche la vraie Évangile ou l'Évangile de Dieu, qui fait la même chose, parce que sans ça, il n'y aurait pas de salut possible pour personne. Donc, il faut dire, je veux prêcher l'Évangile le mieux que je peux, avec la meilleure connaissance que j'ai, le plus proche possible de ce que je vois dans les Écritures, la même chose que Jésus, la même chose que les apôtres. J'annonce l'Évangile. Donc, c'est vraiment important pour que Paul va pouvoir dire, puis il va dire au chapitre 4, vous avez appris de nous comment vous conduire et marcher digne du Seigneur et par le Seigneur. Vous avez appris de nous. Vous nous avez regardé, vous avez écouté, vous avez appris de nous comment vous conduire et par la vie. C'est vraiment intéressant, hein? C'est pas juste vous avez appris parce que vous avez suivi un cours de théologie. C'est pas juste ça, là. Vous nous avez vu. Parce que quand ce qu'il parle ici, c'est pas de la théologie, là. C'est de la pratique de la théologie. Qu'est-ce qu'ils ont vu faire? Ce qu'ils ont vu là quand, devant leurs yeux, les théologiens de la vie de Paul, c'est pas, vous avez entendu de moi des belles choses, puis je vivais autre chose au côté. Vous avez entendu, vous avez vu, donc je vous demande de faire la même chose. Donc c'est vraiment intéressant de regarder ça. Moi, t'es là. C'est pourquoi nous en avons sur mon glace? J'ai encore un petit bout de temps. Allons-y au verset 13. Il ne faut pas personne dormir. qui veut lire le verset 13? Juste 13? Oui. Non, pas juste 13. On va lire 13 jusqu'à 16. Si on n'a pas le temps, on arrêtera avant. Mais 13 à 16. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous laisser. Sans nous lasser, en recevant la parole que nous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Vous l'avez montré, frères, en suivant l'exemple des églises de Dieu en Judée qui appartiennent à Jésus-Christ, car vous aussi, vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes persécutions qu'elles ont endurées de la part des Juifs. Ce sont de ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le combat à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Donc, dans les premiers 12 versets, Paul est dit, vous m'avez vu, vous m'avez entendu, j'ai été un modèle, si je peux dire ça comme vous. Du verset 13 à 16, il dit, vous nous avez imités. Okay? Là, vous avez regardé, vous avez entendu, vous nous avez regardé vivre les couples de mots qu'on était là. Il dit, vous avez reçu la parole que je vous annonçais comme moi je l'ai reçue, comme étant la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu que je vous ai annoncée. Et vous l'avez reçue comme telle. Parce que si ce n'est pas la parole de Dieu, tu ne crois pas que ça vient de Dieu, tu ne te convertis pas à Dieu. Hein, tu vas te convertir à un mouvement, tu vas te convertir à une église peut-être, tu vas te convertir à une personne peut-être, mais tu ne convertis pas à Dieu. À moins que tu crois que la parole annoncée vient de Dieu, puis là tu dis, mais si ça vient de Dieu, puis je le crois, puis je me convertis à Dieu. Sans ça, ça ne marche pas. Donc, je crois que des fois, les gens se sont convertis à des églises, à des mouvements, à des idéologies, à des pensées. Ils ne se sont pas convertis à Dieu, ils se sont convertis plutôt à des idées. Donc, vous l'avez reçue comme elle est véritablement la parole de Dieu et cette parole qui agit dans les gens. La parole de Dieu, elle agit, elle est puissante, elle agit dans les gens qui la reçoivent. Elle agit au point qu'elle sauve ces gens-là. Donc les gens qui la reçoivent comme la parole de Dieu et qui y croient, elle agit, elle sauve ces personnes-là. Donc c'est la parole de Dieu n'est pas impuissante, elle est puissante. Là, le texte n'amène pas la question du Saint-Esprit, mais on pourrait amener la question du Saint-Esprit dedans si on veut. Donc le Saint-Esprit va utiliser cette parole-là et va emmener les gens à se convertir ou à être sauvés. Donc, pour ça qu'il dit, comment je le sais qu'elle a agi en vous, la parole, il dit, car, voyez-vous, il est toujours en train d'emmener les faits, les actions. Je sais, je vous ai annoncé la parole de Dieu, et vous y avez cru à cette parole de Dieu-là qui agit, car, comment je sais que je peux dire que vous y avez cru, car, au verset 14, car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes maux que les églises de la Judée ont souffert de la part des Juifs. Comment je sais que la parole de Dieu a agi en vous? C'est que vous avez imité les églises. Il répète le verset, le chapitre 1. Mais c'est plus eux, là, c'est les églises. Ouais, donc, dans le premier, dans le chapitre 1, il parlait de lui, les imitateurs de moi et de Jésus. Là, ils avaient imité les églises. Parce que, moi, je pourrais dire... Je crois que Paul veut faire ressortir que c'est le mouvement de l'Église qui est pareil partout. C'est ce qui se passe partout. Ce n'est pas juste ici là, que ça s'est passé comme ça. Vous n'êtes pas juste devenus des imitateurs de moi et de Silas et de Timothée. Vous êtes devenus des imitateurs de d'autres églises qui ont vécu la même chose que vous. Les églises de Jérusalem ont vécu la même chose que les Thessaloniciens. Le rejet de la société dans laquelle ils vivaient. Ils ont dit car. Vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part des Juifs. Ces Juifs qui, pourquoi les Juifs ont persécuté les églises ou les Juifs de la Judée? Verset 15, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés et qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Paul dit, moi je plais à Dieu, les Juifs, de la façon qu'ils ont agi, n'ont pas plu à Dieu parce qu'ils n'ont pas gardé le message de l'Ancien Testament, ils n'ont pas reçu le Messie qui a amené la bonne nouvelle, ils n'ont pas reçu les apôtres qui annonçaient la bonne nouvelle, donc ils ont fait mourir, ils ne plaisent pas à Dieu. Et qui sont ennemis de tous les hommes. Comment manifestent-ils qu'ils sont ennemis de tous les hommes? Ce qui veut empêcher les chrétiens de proclamer l'Évangile à tous les hommes. Donc, il dit, ils nous ont empêchés, ils veulent nous nuire. Puis on le sait bien, si on suit l'histoire de Paul, et de Pierre et des autres, on essaie de couper le cou à Jacques, on essaie de mettre Pierre en prison, on essaie de faire mourir, de lapider Paul, puis on essaie d'arrêter le mouvement. C'est à partir, là. Moi, j'imagine de voir les politiciens de l'époque, là, les rois, les seigneurs, les magistrats, le mouvement était parti. Là. Ça se répandait, mon gars, à travers l'Empire romain d'une façon telle que, à la fin des Actes des Apôtres, ils ont rempli l'Empire romain de toutes leurs affaires. Ça allait, là, ça, et ça faisait paniquer la société. J'ai écouté une vidéo cette semaine, je m'intéressais un petit peu à l'islam, puis la plus grande religion du monde qui parlait, c'était l'islam. Et puis c'est épeurant la vitesse qu'il se répand. C'est le mouvement qui se répand le plus vite dans le monde aujourd'hui. C'est la religion la plus... La plus grosse, la plus grande en nombre. Oui. Ils sont dépassés les catholiques depuis quelques années. Ils sont 1,4 milliard dans le monde présentement, musulmans. Des pays entiers maintenant sont convertis à l'islam. Donc, puis ça s'en vient par ici, là. Vous l'avez vu arriver des mosquées, on en a vu, puis il y en a vu, puis ils imposent maintenant leur rituel à eux autres dans les écoles. Vous ne pouvez pas manger ça dans les écoles, vous pouvez faire. Ils imposent maintenant leur façon de voir la société. Puis ils ne gênent pas, ils poussent dans le tas, puis ils fessent dans le tas, puis ils y vont. Ils sont vraiment zélés pour leur. C'est parce qu'eux autres qui plus du poids. Cinq fois par jour. Mm-hmm. Ils vont servir de nouveau. Ah oui. Ils vont servir de tout ce qu'ils peuvent. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire comme eux autres. Je voudrais peut-être vous dire que ça n'est un peu épeurant à quelle vitesse ils se répandent à travers le monde présentement. Et on sait que s'ils prennent le contrôle dans certains pays, c'est la dictature, c'est la mort de la foi chrétienne. On veut détruire tous les chrétiens, on veut les abolir. On les fait périr, ça n'existe plus. Allez dans leur pays où ils sont vraiment. Il n'y a plus de chrétiens là. S'il y en a un, ils meurent. Surtout qu'ils en trouvent un, ils meurent. Donc, c'est, tu dis, c'est tout ça qui s'en vient, c'est tout ça qui est en train de se préparer pour la prochaine génération de chrétiens qui s'en vient. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Parce que c'est là. Mais à cette époque-là, si on recule au temps de Paul, c'était le même phénomène, mais pour les chrétiens. À un tel point qu'Augustin finit par dire on va en faire une religion universelle, le christianisme. On va s'allier avec eux autres. Parce que là, s'il arrive de quoi, on est fait. Il y a tellement de chrétiens maintenant, on est fait là. Si ils vont s'allier à nos ennemis, on va se faire avoir. C'était la même idée avec l'esclavage. Ils ont eu peur des esclaves. Il y avait plus d'esclaves à Rome qu'il y avait d'hommes libres. Ils ont dit, si on se fait attaquer, ces foutus esclaves-là qu'on massacre, ils vont se virer contre nous autres. C'est le même principe de base. Tu sais, celui qui est en minorité a toujours peur. Hein? Toujours un peu craintif, parce qu'il est en minorité, il sait. Donc, l'apôtre Paul, ici, il y a tout un mouvement, puis là, on voit les autorités en place, les magistrats, les empereurs, on va voir que l'empereur va s'en mêler, César va s'en mêler, il fait mourir Paul. On s'en mêle, parce qu'ils sont en train de vouloir renverser nos coutumes, nos façons de faire, nos habitudes. Ils annoncent un roi qui est Jésus-Christ, qui va régner le monde, qui va régner sur le monde. Donc, on va l'arrêter, là. Il faut les arrêter, ces gens-là. Donc, c'est. L'apôtre Paul, il dit les Juifs sont injustes ou ne plaisent pas à Dieu. Ils font mourir les prophètes, Jésus, les prophètes et les croyants. Ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. J'aimerais juste comprendre quelques minutes, on va peut-être y revenir la semaine prochaine. Mais la colère de Dieu, sous-entendu, a fini par les atteindre. Mais qu'est-ce qu'il est en train de parler? De quelle colère parlait-il? Parce que là, c'est pas le retour du Seigneur, il n'est pas venu encore. Il ne peut pas parler de ça. À la fin. Mais la colère est tombée sur eux à la fin. Ce serait comme à la fin? À la fin. A fini par tomber sur eux. A fini. Ou à la fin? Mais à la fin, c'est. À la fin des temps? Non, mais c'est déjà passé, il parle au passé. A fini. Par tomber sur eux à la fin. Donc, c'est ton passé, là. Français? Français, disons le français comme il faut. De quoi qu'il parle? La colère a fini par les atteindre. La colère de Dieu. Mais la colère de Dieu est tombée sur eux pour y demeurer jusqu'à la fin. Par exemple, si leur jugement était déjà tombé sur eux, okay. Puis qu'à la fin, ils vont périr parce que on leur voit un petit peu plus haut, là, mais. D'autres idées? Mais bonne, on va y revenir. Oui, juste, aussi la colère de Dieu a-t-elle fini par les atteindre? Donc, c'est dans le passé, c'est arrivé, là. Elle a fini par les atteindre, cette colère-là. Donc, Dieu a réagi à cette imposture, à cette méchanceté, à cette, à ce, le fait de faire mourir Jésus, de faire mourir les prophètes, de faire mourir les chrétiens, d'empêcher le christianisme de se répandre. La colère de Dieu a fini par les atteindre. Bien, peut-être aussi en comparaison avec nous autres, ben, avec nous autres ou, parce qu'on dit à un moment donné, Dieu retient sa colère. Dieu l'a tiens, on est toujours en train de la retenir, mais là, là, il les a atteints. La colère les a déjà, eux, atteints, versus le fait qu'il retient. Oui, ça peut être un peu en lien avec ça aussi. Non, on ne peut pas en appeler à un jugement visuel comme dans les années 70. Là. Parce que les Romains vont détruire tout le peuple d'Israël. Quasiment pas. Ça ne peut pas être ça. On est 20 ans avant ça encore. Donc, ça ne peut pas être ce phénomène-là. Donc, je crois que la façon de voir, c'est que soit qu'ils sont morts sans avoir entendu l'Évangile, sans avoir accepté, sans avoir été sauvés, soit qu'on le parle de même, ou soit que Dieu a endurci leur cœur et leur jugement a été déterminé. Tu sais, on le voit dans la Bible à différentes fois, avec le Pharaon, avec différents personnages dans la Bible. C'est qu'ils se sont rebellés, se sont rebellés, se sont rebellés, se sont rebellés. Dieu dit, c'est fini. C'est fini. Et là, ça, c'est qui, eux autres? C'est ceux qui modifiaient l'Évangile? Là? Non, c'est les Juifs qui attaquaient les autres Juifs. Ah, ceux qui attaquaient. OK, OK. Donc, il dit, là, il tentait de parler des Juifs qui avaient fait ça aux Juifs en Judée, puis il compare ça avec... Il dit, je crois qu'il est en train de leur dire, ceux qui vous font ça à vous présentement, la colère de Dieu va finir par les atteindre, nous autres aussi. Parce que si les autres font comme les Juifs à Jérusalem, vos compatriotes à vous, s'ils font la même chose avec vous, la colère de Dieu va finir par les atteindre. Et il y a une forme, j'ai déjà dit ça, la vie chrétienne, c'est souvent on continue. C'est, nous autres, on a malheureusement parlé de notre vie chrétienne souvent comme au passé. On est sauvé, c'est tant dans le passé. La vie chrétienne, c'est quelque chose qui se continue. C'est un processus, c'est quelque chose qui se continue. Comme tout à l'heure, tu ne peux pas faire réserve d'espérance ou d'assurance. Il faut que tu viennes en chercher chaque jour. Moi, j'ai déjà dit qu'il y a un principe dans la vie chrétienne, c'est comme la manne. Il faut que tu ailles en chercher chaque jour si tu veux manger. Tu ne peux pas aller accumuler la manne, je vais en avoir pour 3 mois. Je n'ai plus besoin de prier, je n'ai plus besoin de faire ça. Ça ne se fait pas comme ça. La vie chrétienne, ça se vit à tous les jours. Donc, j'ai besoin de cette assurance-là, de cette nourriture-là. Et je crois que ici, ces gens-là, là, quand je parle de la colère de Dieu est toujours en train de se manifester dans le monde. Mais pas dans sa plénitude, comme il va le faire à la fin des temps. La colère de Dieu est toujours en train de frapper des gens, tout le temps. On appelle ça une colère limitée, une colère maintenue, une colère retenue, une colère diluée, je ne sais pas ce que moi je voulais dire. Mais chaque fois que quelqu'un meurt, c'est la colère de Dieu. Dieu dit, si tu manges de l'arbre, tu meurs. À chaque fois que quelqu'un meurt, c'est le jugement de Dieu sur la personne. On meurt parce qu'on est des pécheurs et c'est la colère de Dieu qui s'abat sur l'être humain. Nous, on meurt, on va mourir aussi. Mais nous, on s'est affilié à quelqu'un qui est Jésus-Christ. Donc on s'est attaché à quelqu'un qui peut vaincre la mort. Donc on accepte la mort comme jugement d'être humain, mais on a aussi la foi que celui qui est ressuscité va me ressusciter aussi à la fin du temps. Okay, donc c'est dans ce sens-là qu'on peut vaincre la mort. On ne peut pas refuser la mort. Elle va nous atteindre. Mais cette colère de Dieu-là se manifeste aussi sur les gens. On ne peut pas savoir, nous. L'apôtre Paul ici déclare la colère de Dieu les a atteints. Moi, je l'avais mis aussi dans le sens que Dieu a rejeté Israël, c'est fini. C'est terminé pour Israël. Pas des individus dans Israël, comme Paul était sauvé, c'est un juif, mais le peuple d'Israël a été rejeté. C'est fini. Comme il va dire ailleurs, ils ne se sont pas souciés de me connaître, je ne me suis pas soucié d'eux autres non plus. C'est terminé. Je crois que c'est de ça dont il parle. Dieu met fin à le peuple d'Israël comme le peuple élu, le peuple choisi, le peuple utilisé par Dieu pendant des millénaires. Dieu dit, c'est terminé, c'est fini pour vous. Maintenant, je vais utiliser les nations du monde pour me faire connaître. C'est dans ce sens-là que je crois qu'il parle ici. Donc, c'est un peu les mêmes idées qu'on retrouve dans l'Apocalypse quand il parle aux églises. Quand ils se sont éloignés, il dit, je vais vous enlever de là, je vais mettre quelqu'un d'autre, parce que l'Église, elle continue, elle est encore là aujourd'hui. Donc, il a enlevé les églises qui ne voulaient pas continuer, qui ne voulaient pas marcher. Il dit, je vais donner l'évangile à quelqu'un d'autre qui va l'annoncer. Donc, l'apôtre Paul, il dit, vous avez vu en nous l'évangile. Vous avez vu en nous l'évangile agir. Agir parce qu'on a prêché, ça l'a changé, on a prêché avec le but de vous emmener à la parole de Dieu. Vous l'avez vu agir en nous, et nous, on a vu qu'elle a agi en vous. Donc, c'est une belle complicité qu'il y a entre Paul et les nous, là, peu importe qui. On a au moins Paul, Silas et Timothée. Et ensuite, il dit, nous, on l'a vu, on l'a observé chez vous, cette parole de Dieu, là, agir. De la même façon qu'elle avait agi sur nous, elle a agi sur vous. Donc, ça l'amène Paul à... C'est pour ça qu'il dit au verset 13, « Je rends continuellement grâce à Dieu, comme avait fait au chapitre 1, votre foi, votre œuvre, votre foi. » Donc, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je vois, que la parole de Dieu, elle a agi en vous comme elle a agi en nous aussi, quand on s'est converti, quand on marchait avec Dieu. Donc, on va... Semaine prochaine, on va continuer. On va partir du verset 17, ça va... J'aurais aimé finir avec on va y venir, on va faire un petit résumé, on va finir avec verset 17. Je veux dire que si vous voulez y méditer pendant cette semaine, prier là-dessus, Paul va dire au verset 19, « Notre espérance et notre joie et notre couronne de gloire, c'est vous, les Thessaloniciens. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Méditez là-dessus, priez là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous, on peut le dire? Est-ce que nous, on peut le faire? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « Vous, les Thessaloniciens, vous êtes notre gloire et notre joie au jour du Seigneur. » Là, il parle « Quand Jésus va nous chercher, vous allez être pour nous. » Puis ailleurs, l'apôtre Paul va dire « Nous allons être pour vous un sujet de gloire et de joie au retour du Seigneur aussi. » Donc, il inverse la pièce de monnaie. Vous allez être pour nous un sujet de gloire et de paix, et de gloire et de joie. Nous allons, nous autres, moi, Paul, nous allons devenir pour vous un sujet de gloire et de joie au retour du Seigneur. Donc, de quoi il parle? C'est facile à comprendre qu'il y en a qui croient aux récompenses ici. Là. C'est la voix de dire, ah, il parle de récompense tout de suite. Mais de quoi il parle? Si vous ne connaissez pas les récompenses, comment vous l'analysez le verset? Puis laissez-les dans le texte, dans le contexte qu'on vient de lire, verset 1 à 16. Nathan? Merci encore une fois. J'aimerais, s'il y en a qui veulent suivre, j'aimerais vous lire un court passage dans Hébreux 10, versets 19 à 24. Ça dit, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos péchés. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. » Cette semaine, j'écoutais un prédicateur sur Internet qui avait pris comme passage dans 2 Timothée. Et dans le passage de 2 Timothée, à un moment donné, Paul écrit à Timothée, justement, qui lui dit « Souviens-toi de Jésus. » Et il y a développé là-dessus, naturellement. Et nous aussi, on a besoin de se souvenir de Jésus. Nous aussi, on a besoin de se souvenir de ça. Et on en a tellement besoin que Jésus, le Maître, il a pourvu pour nous un rite, un rituel, je ne sais pas comment vous aimeriez l'appeler, pour qu'on puisse s'en rappeler. Dans ce rite et ce rituel, le mot que vous aimez employer, il nous a donné comme un ordre, un commandement. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Si vous voulez, la propose au son, on va mettre un chant. Et durant le chant, je demanderai à François et Denise s'ils voulaient passer les éléments. Se rappeler aussi ce Jésus, la façon dont il a voulu suivre, pas suivre, vivre les dernières heures sur cette terre. Lui, l'esclave, de Dieu par excellence. Rappelons-nous, quand il... Je m'imagine souvent ça, quand Jésus est dans la chambre haute avec ses disciples, puis qu'ils vont prendre le dernier repas. Quand il agit comme ça, quand il lui dit ça, eux autres, ils ne comprennent pas tout, ils ne savent pas tout ce que Jésus est en train de leur dire, mais Jésus, il sait qu'un jour, ils vont comprendre, puis ils lui demandent de se rappeler. Donc, il a pris le pain, il l'a rompu, le trancheur. Il distribua à ses disciples en disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Mangez. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, la partagea encore avec ses disciples, leur dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Buvez. François, veux-tu terminer par un mot de prière? Notre bon Père du ciel, ta parole nous dit de toute éternité, avant la création du monde, que Christ avait déjà été prédéterminé à être l'agneau de Dieu. Tu avais déjà planifié ça de tous les temps. Et tu savais que c'était le seul moyen pour que ton plan s'accomplisse. Tu savais que parmi tous les milliards d'êtres humains qui étaient pour paraître sur la terre, aucun ne serait juste. Aucun ne pourrait accomplir le sacrifice. Et tu as décidé d'envoyer ton Fils, et il s'est incarné volontairement, il est devenu humain au milieu de nous, afin de se charger de nos péchés. Et à cause qu'il s'est chargé de nos péchés, tu as brisé son corps, tu as retiré la vie. Il est mort. Afin que tu puisses donner ou ce que tu puisses déclarer juste ceux qui croiraient en lui. Et Seigneur, nous sommes aujourd'hui des gens qui se déclarent, en prenant ce repas, on se déclare croire en le sacrifice de la croix. On s'en rappelle. Parce que ce que Gaétan a lu, c'est une église qui est en train de s'éloigner. C'est une église qui est en train d'abandonner la foi. Et Paul dit à Timothée, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur Jésus. On a besoin de s'arrêter. Et on te remercie que tu nous donnes le privilège de le faire ensemble, chaque dimanche, de se rappeler ton amour.